Face au capitalisme de la turgescence, je réclame le droit à la débandade. Flask is the new dur. Si je mouille mes coudes se mouillent-ils? Oui, mes coudes se mouillent. Allez. Il y a un truc derrière là, en non? En vitesse. Si je mouille mes coudes se mouillent-ils? Oui, mes coudes se mouillent. Accélère. Si je mouille mes coudes se mouillent-ils? Oui, mes couilles se mouillent. Voilà. C'est la vérité, parce que 28 millions, en vrai, c'est pas énorme non plus, ça passe vite. En vrai, c'est que dalle. C'est à peine un demi-mollet de Neymar. C'est le budget canular annuel de Cyril Hanouna ou un pied de bureau de Mathieu Gallet. Après un conseiller à Bercy, les horaires de travail s'étendent de 7h du matin à minuit, même pendant les vacances. Résultat, c'est la rentrée et le gouvernement ressemble déjà à Gérard Larcher après un 400 mètres haies. Quand je vois tes œufs, je les trouve dégueux. Quand je vois ta charcuterie, voilà que je vomis. Tes barres chocolatées me donnent la nausée. Quand je vois tes escalopes, t'es qu'une belle saleté. Ok, alors qu'est-ce qu'un modèle disruptif? Le modèle disruptif. Aujourd'hui, au niveau de l'open innovation, il faut savoir qu'il n'y a que 10% des entreprises qui arrivent à maturité. Donc vous êtes disruptif au niveau de l'open innovation? De l'open innovation. Nous, on ne veut plus entendre parler d'open innovation. On veut entendre parler d'open business. Pigez-les, ringards. Alors quand il faut annoncer qu'un sixième missile balistique avec bombe à hydrogène vient d'être lancé, elle est à deux doigts de l'orgasme, Richoun, elle en peut plus, on dirait Jean-Pierre Pernaut qui annonce une foire à la saucisse dans le Jura. Richoun, elle est à donf. Le jour où la Corée du Nord va déclarer la guerre, j'ose même pas imaginer dans quel état elle va être la pauvre. Ouais, ta gueule Richoun, c'est ma chronique. Là, je suis d'accord, moi j'ai eu toujours pas mal de personnel. Quand quelqu'un est souffrant et malade, faut le laisser reposer. Quand un cheval a beaucoup travaillé, on est au prêt pour se reposer. Merci, monsieur. Voilà, donc s'il y a des juments qui nous écoutent, hein, voilà, l'employeur qui saura vous comprendre. En cas de règle douloureuse, un petit tour au prêt. Vous broutez, un petit coup de cravache et ça repart. Rue. Bonjour, papier s'il vous plaît. Oh, ils sont pas en très bon état ces papiers, monsieur. Laissez-moi vous offrir un protège-document Clairefontaine. Oh, c'est quoi ça? On dirait une barrette de shit, dites donc. Dommage de prendre des risques pour s'éclater, surtout en ce moment, pendant les 3 jours fou de chez Auchan, où les 3 bouteilles de pastis sont au prix d'une. En plus, le shit, c'est illégal. Allez, tournez-vous que je vous passe les menottes Tefal. Avec les menottes Tefal, grâce au Teflon, on n'a jamais mal. On connaissait Ken et Barbie, on a aujourd'hui Ken et Bribri. Bribri, il y a quelques jours, qui a fait la une de Photoshop Magazine. Elle. Pourquoi cette Bribri mania? On commence avec un Français diplômé d'un bac plus 5 en lucidité. Option remise en question. Le français est, excusez-moi, con. Ah, c'est vrai? Oui. Mais vous êtes français, du coup? Je suis français, je suis comme les autres. Ah bah alors, mince. Ouais, vous me dites pas que vous êtes con aussi. Mais si. Vous êtes parti où? Dans le Morvan, Charline. Super, super. C'était bien? Je viens de répondre à cette question, Charline. J'étais dans le Morvan. Des vacances au passage horribles, interminables, Alex. C'est simple, j'avais l'impression d'être piégé dans une chronique d'André Manoukian. Je pense qu'une partie, il y a beaucoup de réfugiés économiques. Ah oui, c'est vrai que les enfants d'Alep, leur rêve, c'est le guichet de la CAF. Hein. Ça, on le sait, c'est évident. Au-dessus de leur lit, ils ont tous un formulaire HB32 à faire tamponner au guichet 18. Ghislaine de l'accueil, pour eux, c'est Neymar. Hein. Ça, on le sait, bien sûr. Et de toute façon, je veux dire, selon un autre habitant, la France n'aurait pas dû laisser rentrer qui? La misère du monde, les Arabes, les Noirs, les Pakistanais et tout. On n'aurait pas dû laisser rentrer ces gens-là? Non. Voilà. Il faut que la France, elle ait son identité. Là, vous avez toutes les femmes voilées du monde, ils font 20 gosses, ils vont aux allocs. Alors. Mais vous êtes d'origine française? Vous êtes né où? En Tunisie. Les équipes ministérielles en sont au point où elles doivent se faire prescrire des antidépresseurs. Bon, après, il avait prévenu Macron qu'il allait gouverner par ordonnance. Vous savez pourquoi, Nicolas? Non. Parce que c'est notre Prozac.